C'est la fin de Vacarme. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la drogue. On avait le monopole de l'opium. L'État vendait de l'opium aux Indochinois. Ça a été comme ça jusqu'à 1945. Conquête, guerre et lendemain qui déchante, une histoire en croissance. Jusqu'au début du XXe siècle, tous les produits étaient en circulation légale dans tous les pays. Avec l'argent de la drogue, les FARC achètent des armes, des munitions, mais aussi des outils de communication qui leur permettent de synchroniser les différents fronts et d'entamer une progression fulgurante. Quand vous stoppez une offre d'opiacés sur un territoire, les gens qui sont dépendants aux opiacés, ils en cherchent des opiacés parce qu'ils n'ont pas le choix. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Bien sûr, oui. Je m'appelle Anne Coppel. J'ai une formation sociologique, mais je suis aussi une actrice de terrain, c'est-à-dire j'ai aussi mis en place des projets. Et puis, je suis une militante associative sur pour changer la politique des drogues. Et ce, depuis, je dirais, un certain nombre de semaines. Oui, quelques années. J'ai commencé à y travailler, en fait, dans les années 80. J'ai fait des enquêtes sur la consommation d'héroïne dans les cités de la banlieue parisienne. Comment vous arrivez à ça? Je travaillais, en fait, sur les projets de développement social des quartiers avec l'Université Paris 13. Et j'ai constaté qu'il y avait des consommations de drogue dont il ne fallait surtout pas parler, dans lequel il y avait un déni français extraordinaire. Et j'ai commencé à étudier parce que j'ai voulu rechercher, comprendre ce qui se passait et voir qu'il y avait éventuellement des réponses possibles à apporter. Quelle était la nature du déni ? C'est assez compliqué de répondre à ça, mais l'extrême droite avait focalisé cette question de la drogue et l'avait instrumentalisée. Et la réponse, ça a été le déni. C'est-à-dire non, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de problème, il ne faut pas diaboliser. Ça, c'était la position... Du pouvoir en place. Voilà, du pouvoir en place, je dirais depuis Giscard d'Estaing, en fait. Et, donc depuis le milieu des années 70. Oui, absolument. Il n'y avait pas de problème. Voilà, parce qu'il y a eu un rapport sur le cannabis qui a été fait par une magistrate, Monique Pelletier, qui a entrepris d'évaluer la loi française qui avait été votée en 1970. Et cette loi avait été votée, en fait, dans un contexte, 2 ans après 68, dans un contexte justement de diabolisation des drogues et aussi de diabolisation de la contestation. C'était un peu le raisonnement, c'était... D'associer les deux. D'associer les deux, voilà. C'était de dire, voyez où ça mène quand on conteste l'autorité, la discipline, le travail. Voyez où ça mène à la déchéance et à la toxicomanie. Et donc, ça a été sévèrement puni avec 1 an de prison pour juste consommation. Sous Giscard, c'était le règne des techniciens. Est-ce que cette loi correspond réellement au problème ? Est-ce que mettre les usagers de cannabis en prison, c'est une bonne idée ? Quels sont les résultats de la loi ? Donc, on était en 76. Il y a eu un rapport excellent fait par Monique Pelletier qui a dit, ben non, le cannabis, c'est pas une catastrophe, quoi. L'incarcération n'est pas la bonne réponse. Et ça devait aboutir à un changement de la loi. Mais, a dit Monique Pelletier, après de longues négociations, l'opinion publique n'est pas prête. Donc, De fait. Oui. Enfin bon, oui, l'opinion publique, elle avait. Enfin, disons que les drogues, ça n'existait pas avant. Donc, je veux dire, tout d'un coup, on s'est mis à parler de drogue, mais personne connaissait de drogué dans son. Enfin, je sais pas, c'était un truc qui venait des États-Unis. On avait vu des hippies aux États-Unis, mais on savait pas ce que c'était, en fait. Bon, l'opinion française n'est pas prête, donc. On va garantir à l'opinion que l'État prend ses responsabilités, fait tout ce qu'il faut, mais on ne va pas appliquer la loi. Vous dites, Anne Coppel, on ne savait pas. Si je me réfère à ces années-là, il y a quand même quelque chose qui marque les esprits, venant notamment de la scène rock, oui. C'est que de très grandes stars, de très grandes vedettes vont succomber. En plus de ça, à des âges communs, 27 ans pour Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jean Doubly. Et toutes ces morts ont trait à la drogue. Donc la drogue, on la connaît, tout au moins on la perçoit, et on la perçoit comme véritablement l'ange de la mort, si j'ose dire. Oui, tout à fait, mais si vous voulez, le problème, c'est que c'est dans des univers différents. Voilà. Dans l'univers du rock, sexe, drogue, rock'n'roll, hein, oui, les drogues sont très présentes. En France, les drogues se sont diffusées quand même au cours des années 70, donc, et non pas dans les années 60. Hein, donc, on a pris un train de retard. Après, on s'est bien rattrapé quand même, mais bon. Mais après, le cannabis, oui, ça se diffusait, mais enfin, on disait... Enfin, il y avait des évaluations qui étaient très mauvaises, hein, très très mal faites. Mais enfin, bon, on voyait que ça augmentait régulièrement, mais quand même, ça restait quand même exceptionnel. Ils se rendaient absolument pas compte que c'était en plein boom du point de vue des lycéens, par exemple. Cette histoire-là n'a pas encore été. On va passer d'un instant à l'autre à une toute autre histoire. Oui. Mais cette histoire-là, on ne l'a pas véritablement mise à jour, me semble-t-il. Pas du tout, absolument pas. Elle n'a pas été mise à jour, l'histoire. Et en particulier, ce qui s'est passé après. Parce qu'il y a eu un déni d'entrée de jeu sur la question de la diffusion de l'héroïne. Et disons que la position du rapport qui a été adoptée par tout le milieu, enfin par les experts, par les milieux intellectuels, où, bon, il ne faut pas dramatiser, et que des toxicomanes à l'héroïne, il y en a peut-être 10 000. Mais... Ce qui vaut pour la France valait aussi pour d'autres pays européens où il y a une spécificité française? Il y a une spécificité française parce que la différence, si on prend par exemple la Suisse, c'est que la Suisse, c'est pas la Suisse, c'est les villes, les cantons, enfin bon, les locaux. Ils ont vu au cours des années 80 apparaître des toxicomanes qui emmerdaient le monde. Et donc le problème, est-ce que la chasse aux toxicomanes, ça marchait? Que ça soit la Suisse ou l'Allemagne par exemple, était beaucoup plus réaliste, beaucoup plus proche du terrain. Nous, c'est un débat idéologique. Les réalités de terrain, on ne s'en occupe pas chez nous. On va venir, grâce à vous, Anne Coppel, aux racines de la prohibition des drogues. Je lis quelques lignes que vous avez écrites dans l'article du même nom, « Racines de la prohibition des drogues ». Premières marchandises qui ont circulé à travers le monde, les drogues psychotropes ont été aussi les premières à faire l'objet de traités internationaux. Pourtant, lorsqu'en 1909 et 1912, ces traités sur l'opium ont été signés, les pays signataires acceptent tout au plus de réguler ce commerce fort lucratif. Pourquoi cette politique internationale a-t-elle abouti à la prohibition? Comment a-t-elle été mise en place? Qu'est-ce qui justifie la sélection des substances prohibées? Et comment a-t-elle abouti à la fin des années 60 à une guerre internationale qui va progressivement gagner tous les continents? Commençons déjà avec l'histoire, une histoire que l'on peut situer là, au 19e siècle, même si la drogue accompagne l'espèce humaine depuis sans doute bien plus longtemps. Vous commencez en disant la prohibition internationale commence avec la plus grande intoxication du monde. L'action se passe en Asie, en Chine plus exactement. Oui. Racontez-nous ça un peu. La question des drogues, la question de la politique des drogues, hein, parce que les produits psychotropes sont consommés depuis la nuit des temps et n'avaient pas apparemment posé de problème. Ça commence à poser des problèmes avec la colonisation. La colonisation, ça fait un marché mondial, parce que les drogues ont toujours circulé, mais ça circulait lentement au rythme des caravanes. Hein. Et donc, on avait le temps d'apprivoiser les drogues. Les Indiens se sont retrouvés avec l'alcool, avec la drogue... Des colonisateurs, la drogue de l'Occident, et ça a été mortel pour eux. Hein. Et les Européens se sont retrouvés avec les drogues de l'autre, de l'étranger. Bon, l'histoire de l'opium, c'est une histoire qui est d'abord l'histoire d'un marché. C'est la Grande-Bretagne, la France aussi l'a fait d'ailleurs en Indochine, s'emparer du marché de l'opium et vendre de l'opium aux peuples colonisés. Bon. Mais ça passe par une... transformation, si je vous ai bien lu, à savoir que si l'opium est réservé à d'autres usages anciennement en Chine, il va tout d'un coup être transformé dans les utilisations. L'opium était consommé traditionnellement avec une fonction thérapeutique et les colonisateurs, eux, d'ailleurs c'est les Portugais qui ont inventé le fait de fumer de l'opium, les colonisateurs, eux, en ont consommé pour le plaisir. Et donc c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout le même produit. C'est pas les mêmes effets, c'est pas les mêmes conséquences. Il est alors mélangé au tabac, c'est ça? Voilà, c'est ça, et il est fumé, pour le plaisir. La Grande-Bretagne avec le soutien de la France, a imposé la vente de l'opium, les armes à la main. Il y a eu une succession d'empereurs qui ont essayé de prendre des mesures de protection, d'interdire ce marché. Ils ne voulaient pas que les Occidentaux pénètrent dans l'Empire. Enfin, ce n'était pas seulement pour l'opium, hein, mais aussi pour l'opium. Donc, c'est d'abord la question d'un marché. Les Anglais ont inventé un commerce extrêmement lucratif qui consistait à faire pousser de façon quasiment industrielle l'opium en Inde et, avec cet opium en Inde, de le transporter et de le vendre souterrainement en pénétrant dans les ports, à Canton, dans les ports chinois. Les guerres de l'opium ont été déclenchées par des prétextes. Ça a engendré un débat en Grande-Bretagne parce que c'était fait au nom de la liberté du commerce. Vendre de l'opium aux Chinois, c'était la liberté du commerce, voilà. Libéralisme florambon, Adam Smith. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, Adam Smith lui-même s'est prononcé sur la question. Qu'a-t-il dit ? Ben, justement, il est libéral. Chaque homme doit décider ce qu'il consomme ou non. Et là-dessus, en face, vous aviez les Quakers, les religieux, qui disaient non, il faut protéger les populations fragiles. Ils étaient d'ailleurs aussi, enfin, ils étaient contre l'opium, mais ils étaient aussi contre l'alcool, hein. Donc, il faut protéger les populations fragiles. Vous vous rendez pas compte, ça fait une catastrophe spirituelle. Donc, il y a eu ce débat-là à la Chambre. En général, quand il y a débat, il y a arbitre. Oui. Non pas forcément celui qui dit « order » avec une très grosse voix, encore oui, que oui. peut-être. Oui, oui. Comment s'est tranché ce débat-là ? Ben justement, ça s'est tranché avec la décision de réguler le marché de l'opium. Alors, je rappelle un chiffre que vous donnez dans votre article, Anne Coppel, pour mesurer quand même les enjeux. En 1839, écrivez-vous, les revenus financiers de l'opium représentent 34% de ceux que la couronne britannique tire de sa colonie. Ouais. 34%. On ne peut pas lâcher une chose pareille. Voilà, exactement. C'est la logique commerciale hein, qui l'emporte. Et ça a été pareil avec la France, en Indochine. On avait le monopole de l'opium, l'État vendait de l'opium aux Indochinois. Ça a été comme ça jusqu'à 1945. Est-ce que selon les souverains et souveraines, suzeraines, il va y avoir des modifications de la part de l'Empire britannique ou bien c'est une ligne droite et les affaires avant tout ? Non, c'est pas tout à fait une ligne droite, c'est quand même des rapports de force complexes dans lesquels interviennent, en particulier en Grande-Bretagne, comme en France d'ailleurs, contrairement aux États-Unis, des forces qui sont le médical, qui intervient aussi là-dedans, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment une maladie qui s'appellerait la toxicomanie ? Est-ce que c'est vraiment dangereux ? Ces débats sont déjà... Tout à fait, sur tout la place. À fait. Ah oui. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, la Grande-Bretagne a choisi effectivement la liberté du commerce plus la politique de santé publique. À partir du débat sur l'opium a été prise le Pharmacy Act. Si je me trompe pas, c'est 1864, mais peut-être je me trompe. 69, mais 69, voilà, dans ces, voilà. Qu'est-ce qu'il recouvre, ce Pharmacy Act? Eh ben, ce Pharmacy Act, c'est l'invention du médicament. On vend un produit étiqueté avec une posologie précise. Maîtrisée, donc. Maîtrisée, voilà. Le contrôle, la réglementation. On ne réglemente pas les comportements individuels, on réglemente le produit. On m'a souvent demandé dans quelles circonstances, par quel enchaînement, je suis devenu mangeur d'opium. Fût-ce par degré, par essai, avec défiance, comme en descendant par une plage de sable vers les profondeurs de la mer en sachant d'avance quels dangers on trouve en chemin, en se jouant à ces dangers avec une sorte de coquetterie qui revient en définitive à les braver, ou bien encore fût-ce par ignorance complète de ces dangers, en cédant aveuglément au conseil intéressé d'un empirique. Ce fut comme un simple analgésique et par la seule violence de la douleur la plus cruelle que j'eus pour la première fois recours à l'opium. Et il s'agissait justement de cette même douleur ou de quelques-unes de ces variétés qui entraînent la plupart des gens à l'emploi de cet insidieux remède. Voilà le fait, voilà l'occasion. Si, dès le principe, j'avais connu les subtiles énergies contenues dans cette puissante substance et dont l'emploi bien réglé a pour effet... Premièrement, de calmer toutes les irritations du système nerveux. Deuxièmement, de stimuler les dispositions gaies. Troisièmement, de répondre à l'appel d'un effort extraordinaire, comme les hommes en trouvent des occasions fréquentes, et de soutenir pendant 24 heures de suite les forces animales, qui sans cela diminueraient par degrés. Très certainement, j'aurais débuté dans l'usage de l'opium en appelant un supplément extérieur de force et de joie, au lieu de mijoter pour fuir une torture extérieure. Et pourquoi non ? Si c'est là une faute, n'est-ce pas aussi une faute que commettent tant de gens, et tous les jours, avec l'alcool ? Sommes-nous autorisés à le regarder seulement comme un remède ? Le vin est-il permis simplement à titre d'analgésique ? Bien, je pense que non. Autrement, je serais obligé de mentir et de prétexter un tic anormal dans mon petit doigt, et ainsi, comme dans une métamorphose d'Ovide, moi qui suis un amant de la vérité, je deviendrai jour par jour et pouce par pouce un trompeur. Non, toute l'humanité proclame qu'il est permis de boire du vin sans donner pour excuse un certificat du médecin. Ce qu'on a le droit de chercher dans le vin, on a sûrement le même droit de le trouver dans l'opium, à plus forte raison dans les cas nombreux et analogues aux miens, où l'opium exerce sur l'économie des ravages bien moins graves qu'une quantité équivalente d'alcool. Thomas de Quincey, confesseur d'un mangeur d'opium, 1822. Le fumeur d'opium, dont le livre, c'est un très très beau livre, qui a été traduit par Musset d'abord, qui a inspiré Baudelaire, et qui a chanté les drogues, l'opium, qui était un mangeur d'opium d'ailleurs au départ, parce que cet opium que les Anglais cultivaient en Inde arrivait bien sûr massivement en Grande-Bretagne. Ce livre ouvre le nouvel imaginaire des drogues, c'est-à-dire qui exacerbe la sensibilité, une recherche de la jouissance de l'opium. Et ça a fasciné la génération des romantiques. Ce que l'on peut peut-être esquisser, c'est que l'Angleterre du XIXe siècle impose probablement un carcan sociétal, comme on dirait aujourd'hui, beaucoup plus prégnant qu'en France, par exemple. Ça dépend évidemment des périodes concernant la France. Oui. Mais la France ne va pas regarder cette question du carcan. Elle va d'abord s'emparer de cet objet libérateur. Voilà, c'est ça. Je pense que il y a plusieurs générations d'artistes qui se sont exaltés, enfin qui se sont emparés des drogues. Et c'est avec la montée aussi de l'individualisme, hein, c'est-à-dire l'exacerbation des sentiments et la construction aussi de nouvelles identités, dont d'ailleurs des identités de genre pour ce qui est des femmes. Dans les usages, on est beaucoup plus à cette époque-là dans le monde clos des artistes. Effectivement, les artistes, mais on avait aussi les marins, on avait aussi les colons. Et donc, c'est aussi la première épidémie de drogue identifiée en tant que telle, c'est la morphine. Ce que je vois dans pas mal de littérature également, oui, ou de récits, c'est que le monde de la médecine, les médecins eux-mêmes, absolument, les sont, médecins sont, ouais, leurs premiers patients, si j'ose dire. Absolument, absolument, ils ont expérimenté. C'est le cas de Freud qui a expérimenté la cocaïne. Donc que ça soit, c'était héroïne, morphine. Enfin, on commence avec la morphine d'ailleurs, le premier des médicaments. Tout d'un coup, c'est le soulagement. On peut soulager la douleur, c'est magique. Et les médecins s'enthousiasment pour le produit et leurs patients, et en particulier leurs patientes. Sont exactement, tout d'un coup, elles sont soulagées. Voilà, on rentre dans un monde paisible où il n'y a plus de douleur, ni physique, ni psychique. Alors, une colle, parce que moi, je n'ai vraiment pas la réponse, Anne Coppel, mais vous qui réfléchissez à toutes ces questions-là depuis fort longtemps, peut-être y avez-vous songé. Pourquoi Conan Doyle fait-il fumer à Sherlock Holmes l'opium ? Oui, enfin, en principe, c'est plutôt de la cocaïne. Ah oui, vous avez raison, c'est la cocaïne. Donc c'est pour activer son cerveau, plus, tout à fait, voilà, bien sûr. Et l'aider à résoudre des, voilà, problèmes. Voilà, bien plus... sûr, oui, tout à, ah, fait, oui, bien mettre sûr. La main sur Freud m'a montré l'exemple, hein, donc il en a consommé quand même beaucoup plus que ce qui a été dit. Il a été exalté, Freud a été exalté par la cocaïne qui était magique, qui tout d'un coup éclaircissait l'esprit. Bon, donc il y a eu un emballement en fait de Freud pour la cocaïne. Il a pensé que c'était le meilleur traitement pour la morphinomanie. Et puis ça a donné des effets catastrophiques et il a arrêté d'en parler. Mais alors, il n'a pas arrêté d'en consommer. Anne Coppel, on va s'orienter vers une période un peu plus récente. Nous passons aux États-Unis, ou plus exactement à une séquence qu'on pourrait traduire, une séquence internationale. Je rappelle le titre de votre article aux racines de la prohibition des drogues. Oui. Et c'est vrai que le chapitre que l'on ouvre là va déboucher sur cette dimension de prohibition internationale. Ça passe par les États-Unis, vous parlez de l'invention d'un modèle prohibitionniste. Est-ce que vous pourriez un peu nous en poser les termes ? Donc, si vous voulez, on pourrait opposer, c'est ce que j'ai fait en travaillant sur l'histoire de la prohibition. Les Américains ont un modèle prohibitionniste qui est l'alliance des religieux, du puritanisme, des Quakers, des féministes, qui luttaient d'ailleurs principalement contre l'alcool, donc elles n'en avaient pas spécialement. Ligue anti-alcoolique nombreuse. Voilà, c'est ça. Et les syndicats blancs ouvriers qui ont utilisé la lutte contre les drogues dans la concurrence entre les appartenances ethniques. Donc contre l'opium, les blancs se sont emparés des drogues et ont stigmatisé les drogues qui étaient associées à l'opium, aux Chinois avec l'opium. La cocaïne pour les Noirs. Oui. Et les Chicanos. La marijuana. Ouais. Oui, oui. Si vous voulez, vous avez des morales religieuses et puritaines, d'un côté. Vous avez des enjeux l'utilisation des drogues, donc qui était une utilisation raciste, racialisée, disons, dans la compétition sur le marché du travail. Et vous avez un troisième acteur qui est très important aux États-Unis et qui va gagner tout, c'est les médias, c'est-à-dire la presse grand public, qui s'est emparé du sujet parce que ça fait vendre. Donc il y a toute une mythologie qui commence à la fin du 19e siècle et qui se diffuse massivement. Ça fait partie de... Voilà, ça c'est la construction américaine. On va passer maintenant à une toute autre époque, c'est l'époque la plus contemporaine. Je vais pour cela vous lire, Anne Coppel, un rapport sur lequel je suis tombé, mais grâce à un de vos articles, un rapport de la Commission mondiale pour la politique des drogues 2011, qui commence ainsi « La guerre mondiale contre la drogue a échoué ». Avec des conséquences dévastatrices pour les hommes et pour les sociétés du monde entier, 50 ans après la création de la Convention unique sur les stupéfiants des Nations unies, 40 ans après le lancement de la guerre contre la drogue par le gouvernement américain du président Nixon, il est urgent de réformer les politiques anti-drogue à l'échelle nationale et internationale. Les dépenses considérables engagées pour la criminalisation et la mise en place de mesures répressives visant les producteurs, les trafiquants et les consommateurs de drogues illicites ne sont visiblement pas parvenus à freiner efficacement ni l'approvisionnement ni la consommation. Les victoires apparentes sur l'élimination d'une source ou d'une organisation de trafiquants sont presque instantanément rendues caduques par l'apparition d'autres sources, d'autres trafiquants. Les efforts de répression ciblant les consommateurs vont à l'encontre des mesures de santé publique visant à prévenir la transmission du VIH-SIDA, les décès par surdose et les autres dommages liés à l'usage de drogue. Les dépenses publiques, engagées dans de vaines stratégies de réduction de l'approvisionnement et celles relatives aux coûts d'incarcération, sont supérieures aux investissements qui visent à diminuer la demande et à réduire les risques. Autrement dit, ce rapport de la Commission mondiale pour la politique des drogues en 2011, il lance un avertissement extrêmement sévère. Il ne s'embarrasse pas de mots habituellement policés, tels qu'on peut en avoir l'habitude aux Nations Unies. Il met les pieds dans le plat. Oui, absolument, oui. Enfin, il faut voir, c'est pas une commission des Nations Unies. C'est une commission qui réunit des experts qui ont travaillé justement sur la politique des drogues par différents points de vue, enfin, aussi bien médical que sociologique que politique. Et donc, Vous avez raison de commencer avec cette histoire de commission parce que je dirais que une des conséquences de l'épidémie de sida, c'est que la question des drogues a dû être prise au sérieux, d'abord ne serait-ce qu'au niveau médical. Les nouvelles stratégies commencent à être mises en œuvre, d'ailleurs par la Grande-Bretagne en particulier. Mais enfin, on pourrait aussi parler des Pays-Bas qui ont commencé les premiers, en fait. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, en termes de politique de santé, c'est plutôt la Grande-Bretagne. Parce que plus touchée. Non, c'est exactement le contraire. Nous sommes beaucoup plus touchés que les Anglais. La France est plus touchée que la Grande-Bretagne. Ah, sans comparaison. Oui. Donc, si vous voulez, mais nous, on n'a pas fait d'études et on n'avait pas une tradition de santé publique dans les questions de drogue. Dans les questions de drogue, on avait une tradition, clinique. C'est des psychiatres qui s'occupent de ça, mais c'est pas des experts de santé publique. Et la Grande-Bretagne, elle, quand elle a vu qu'il y avait une épidémie mortelle et que les injecteurs risquaient d'être contaminés et pouvaient aussi contaminer leurs partenaires sexuels, par exemple, donc ça pouvait être une menace pour le milieu hétérosexuel, la réaction de la Grande-Bretagne, ça a été de faire des études épidémiologiques immédiates pour savoir où est-ce qu'on en est, quelle est la réalité de la menace, quel est le taux de contamination de nos usagers qui utilisent l'injection. Ils ont fait ça dès 1985. Et il y a eu des résultats en particulier locaux. Ils se sont rendus compte qu'au niveau national, ils étaient à 10% de contamination. D'accord? Les injecteurs britanniques étaient contaminés à 10%. Mais exceptionnellement, à Édimbourg, ils étaient contaminés à 50%. Pourquoi à Édimbourg, ils sont à 50% de contamination? Parce que les pharmaciens ont renoncé à vendre des seringues aux toxicomanes, soi-disant pour les empêcher de s'injecter. Et du coup, ils se sont tous mis à partager leurs seringues. Et du coup, là, ça a été une... conclusion, pour les Anglais, c'était clair, il fallait qu'il y ait un accès aux seringues. Et ça a été la même chose pour les traitements à la méthadone. Donc, des résultats qui montraient que les usagers sous méthadone se contaminaient nettement moins, mouraient moins, étaient en meilleure santé. Donc, les spécialistes ont parlé fort et ont dit, il y a une maladie mortelle, contaminante, qui risque de menacer tout le monde d'ailleurs. Et donc, il faut prendre ces mesures d'urgence pour réduire les conséquences nocives de l'usage et de l'injection. Anne Coppel, si l'on veut vous lire, orientez-nous vers un bon ouvrage signé de votre plume. Oh là là, je ne sais pas quoi vous dire. L'histoire, par exemple. L'histoire, j'ai commencé avec ça, parce que le premier bouquin que j'ai fait, le premier livre que j'ai fait, c'est « Le dragon domestique, deux siècles de lutte contre la drogue en Occident ». Très joli titre. C'est parce que je me suis posé la question de la prohibition, d'où ça vient. Et donc, j'ai fait ce premier livre. Donc, c'est mon engagement après, c'est ce travail que j'ai fait au cours des années 80, justement, sur cette recherche historique pour comprendre l'histoire. Et dans les tout derniers, c'est sur la catastrophe sanitaire engendrée par la diffusion de l'héroïne dans les années 80. Donc, on a repris, nous avons fait une enquête collective, enfin, je suis un co-auteur seulement, sur cette histoire toujours secrète française, de la diffusion de l'héroïne et des conséquences de la façon dont ça a été traité, les réponses qui ont été apportées au niveau politique et sociétal, en fait. On donnera les coordonnées sur le site d'Histoire Vivante. Merci à vous d'être venu à notre micro. Merci beaucoup. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et la voix de Silvio Dolzan. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première et il est 14h.